8, set, 6, 5, 4, 3. L'Agence nationale pour l'emploi n'entend pas se laisser bercer par les difficultés de la crise économique actuelle. Son pari, visiter en une période donnée, soit 3 mois, 5000 entreprises et recueillir près de 1000 offres. Dans le cadre d'un débat national, sans réussir à éradiquer leurs tourments internes, un rituel qui commence à lasser plus d'un. Et vous avez bien reconnu le reportage de Jean. Deux chefs cuisiniers en tenue. Bien sûr, vous avez reconnu le groupe Silpels qui a commencé cette seconde partie de Banalazic à l'instant avec le titre Your House City. 12h11, juste avant la question relative à l'histoire de la Guyane, voici un petit souvenir tropical. En l'occurrence, un petit coup de miel, pourquoi pas, avec un bon petit penchant sympathique.